elle arrive pas juste quand je mange du McDo. McDo. Amir kebab pizza, j'aime le resto. Resto. Je fais semblant de tousser quand je suis dans le métro. Métro. Je pense que j'ai peut-être un petit peu bu trop. Tu cognes à la porte, il sort ton festin. C'est ton corps, ton cadran à chaque matin. L'hiver, ça te garde au chaud dans tes patins. Tu serais mieux d'aller cogner chez le voisin. Tu le sens couler et se pogner dans ton poil. Café moulé, bien dilué, je mets mon voile. J'écris panachi, c'est mon humble régal. Dans tes yeux, quand tu chies, y'a tout plein d'étoiles. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Yeah. Cake. Oh.